ainsi toujours penché sur des opérations nouvelles. Simples ou compliquées, un regard au sujet d'infini. Vos pouvoirs créatifs chaque fois se révèlent, redonnant aux patients une forme de vie. Comme infinie agile, tu opères les chairs, sublime la matière au souffle de votre âme. Quand l'œuvre est achevée, délicate et fragile, vous la caressez alors un amoureux regard. Votre sensibilité sur chaque opération rayonne. Sujet humain, adorable vie, silhouette de femme, corps d'homme. Au fin du bistouri, on retrouve la vie. Oui, nous sommes très fiers de votre talent fécond, votre ressource du bistouri. Car si votre inspiration jaillit parfois très vite, elle a demandé aussi études, réflexions et répit. L'exigence du bien que l'intervention réclame, à l'horloge du temps fait naître le son. Objet tranchant, avez-vous donc une âme? Ô cher méton, quelle grande question. Ô cher méton, quelle grande question.